On continue dans la doublette, dans l'aspect française, pardon, avec la doublette à venir, tout d'abord composée de Parjure, le groupe de hardcore beatdown venu de Annecy. The Unknown King, c'est le nom de leur premier album studio longue durée. On s'écoutera le titre You Should Know Pain, pardon, en featuring avec le vocaliste de Guerre, groupe de hardcore crust venu du Québec. Et en doublette avec Parjure, Véhémence, la nouvelle production anti-crime. Records. Le second album suivant s'intitule Ordalys, on est sur du épique black metal médiéval, très classieux, et on s'écoutera le titre Par le glaive. C'est parti, Parjure, Véhémence, toujours dans l'aspect française, dans Hellbanger. And now, this world shall know pain. How can you move your breath when you know where you breathe it? How can you find your death if the man is somewhere? I'm thinking, fuck you, now I know I can't live without it rain. When I cry, I promise all of you, you feel no pain. Look at me, look at the mountain that you create. You're rushing things down, all these things I can't escape. I don't find your feet. It's not much meat when I get on my feet. This world feels like hell around me. I'm a project of faith, all of you shall know me. From a place, in this all you think. But now is your time to fucking me. Look at me now, and tell me what you see. You feel my rage in your fucking face. I know what's up! Get back to the Quebec of Annecy! Mostly fucking bitch up! Can you feel? You know what somebody is! No one sure that you fucking hate! I'll show you the money! I'll show you how it is! Feel the rest of this place inside of me! You should get your pain as individuality, please! When your eyes are distant, I see what I lived! And then you know what suffering is! You're just a mountain that you create. You're Et oui, on clôture déjà l'aspect française pour ce soir. Peu de groupes, mais des morceaux assez longs, et puis toujours la qualité au rendez-vous, avec une glissade de l'aspect française à l'aspect international, avec tout d'abord Alta Rossa, récente formation qui nous vient de Besançon. Premier album studio longue durée, on est sur un espèce de post-hardcore, post-sludge, formé par des membres de Orch et autres Aside from a Day, pardon, et pas As a Day for Before, n'importe quoi, Aside from a Day. On est forcément sur un groupe qui a des inspirations sombres et lourdes à la Cult of Luna. 7 titres pour 30 minutes, donc là par contre on est sur un contenu beaucoup plus court. Alta Rossa donc, et ensuite Glissa de retour sur la diff internationale avec Dolch, la formation allemande qui nous propose son nouvel effort studio. Là on est plus sur musicalement quelque chose de gothique dark wave. Et pourquoi est-ce qu'on le diffuse? C'est vrai que ça fait pas forcément partie de nos standards de diffusion, mais c'est comme annoncé tout à l'heure avec Death Bell, que le groupe allemand sera de passage à Tours le mercredi 6 avril. Une soirée organisée par l'asso Catharsis. Ils seront présents sur la scène du Red Club à Rochecorbon, une date donc à ne pas louper. Dolch, on s'écoutera le titre, si je reprends ma petite fiche, Mercury, extrait du nouvel effort studio intitulé Nart, et juste avant Dolch, Alta Rossa, The Star Joiner, extrait de l'album studio Void of an Era, qui vient juste de sortir. Down! Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes du 93.6, les ondes de Radio Béton. On s'approche tranquillement déjà de la fin de l'émission de ce soir. Il ne nous reste plus que trois doublettes à s'écouter. Et la doublette à venir contient un des groupes les plus particuliers de la playlist de ce soir. Il s'agit une nouvelle fois d'un one-man band, cette fois venu de Tunisie, actif depuis une petite douzaine d'années. On est sur un death metal plutôt prog et dissonant. On peut y retrouver des éléments à la Ulcerate et autres Gorguts. Bon, c'est quand même moins asphyxiant et massif. Et cependant, ça reste assez frontal. Ça part un peu dans tous les sens musicalement. C'est extrêmement riche. Troisième album studio, 8 titres pour 35 minutes. Comme je disais, c'est assez direct. Et en doublette avec Brood of Hatred, on s'écoutera un nouvel extrait du nouvel album de Kaelich Culling. Projet de post-black qui nous vient des États-Unis, une nouvelle sortie d'EB Murmorty Production, et à noter qu'une fois de plus, derrière le micro, c'est une femme. Premier album studio, seulement 4 titres, les compos sont assez longues, de 7 à 15 minutes, on est sur un black plutôt intense, parfois un peu répétitif, ce qui peut donner du coup un sentiment de, comment dire, d'hypnose en fait. Et à côté de ça, voilà, on a des passages beaucoup plus posés et mélodiques qui permettent d'aérer un peu la sauce musicale de Kaelich Culling. Brood of Hatred, on s'écoutera le titre The Unker's Block, extrait de l'album The Golden Age. Ensuite, Kaelich Culling, Bound by Neon, extrait de l'album Dream of Fragmentation, pour rappel, une sortie sur le label français de EB Murmorty Production. C'est parti. I'm not alone. la doublette suivante, on va avoir la troisième et dernière nouveauté de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de la formation suisse Abraham. On est sur un groupe, encore une fois, post-metal, post-hardcore, sludgeisant. Ils sortent là leur quatrième album studio. On est sur une musique forcément lourde et atmosphérique. Encore une fois, les inspirations Cult of Luna sont bien présentes. Cependant, Abraham propose quelque chose de plus rugueux et frontal. Et au niveau du line-up, autre particularité, c'est un batteur-vocaliste. Voilà pour les présentations avec les bataves de Abraham. Et en doublette avec la formation suisse Dead Chesm, avec un extrait de leur nouvel EP, un EP éponyme, Dead Chesm. Musicalement, qu'est-ce qu'on retrouve chez Dead Chesm ? Récente formation de death italienne, avec pirolant bien old school et bien putride, bien crado. Et c'est de nouveau une femme qui tient le micro, et en plus la guitare. Et puis alors c'est pareil, vocalement c'est putain de profond et rugueux, c'est absolument parfait. Abraham, on s'écouterait le titre Ravenous is the Night, avec un nom d'album en français, Débris de monde perdu. Et ensuite Dead Chesm, Carved into Obscurity, extrait de leur nouvel EP éponyme. C'est parti. Carry on, crowd! Et ça va déjà être l'heure de se quitter avec la toute dernière doublette pour ce soir, une doublette bien bien bien extrême, avec tout d'abord Ultra Sylvam, un petit trio suédois de black metal, qui a vu le jour en 2015, ils sortent là leur deuxième album studio, 8 titres pour un peu moins de 32 minutes de black metal à la sauce typée années 80, c'est rao, un peu crado, voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas non plus une grosse bouillie sonore incompréhensible, et il y a même quelques petits passages vachement plus heavy avec des solos qui apportent une forme de mélodie à l'ensemble, voilà pour Ultra Sylvam. Et par contre on clôture de la meilleure des manières avec Divored Elysium, groupe de Brutal Death, ils se définissent eux-mêmes comme étant du slamcore, hein, inspiré par Internal Bleeding notamment. La formation nous vient de Turquie, ils sont actifs depuis 5 ans, ils sortent là leur deuxième album studio, 9 titres, 26 minutes, voilà, on peut pas faire plus clair ni plus précis pour présenter Divored Elysium. Au niveau de la musique, on va s'écouter donc le titre Dies Irae de Ultra Sylvam, extrait de l'album The Sanctity of Death, Divred Elysium, Slam Panzer, c'est pareil, on peut pas faire plus clair, extrait de l'album Void Grave, une sortie vers Garouth Production. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.